France Culture avec Philosophie. Géraldine Mühlmann. Voici cette semaine une série d'émissions sur le thème de la transgression. La transgression serait-elle un nouveau conformisme ? Premier épisode ce matin, les paradoxes de la personnalité autoritaire selon Adorno. Beaucoup de domaines attireront notre attention dans cette série, la politique, l'esthétique, la vie de tous les jours. La transgression à l'assaut des normes ne peut-elle pas devenir elle-même une norme, la norme? Et si on touchait là à un trait d'époque, en ces temps qui aiment les politiques à poigne, au langage fleuri voire insultant, pour bien souligner qu'ils ne s'en laissent pas compter? Le désir d'ordre le plus ferme peut tout à fait prendre le visage du rebelle, agressif, prompt à punir lui-même quiconque ne marche pas droit, en guerre contre tout un système mais finalement peu inventif, voire assez conservateur dans sa vision de l'avenir. C'est là un des paradoxes de cette personnalité autoritaire mise en lumière en 1950 par le philosophe Adorno, figure éminente de l'école de Francfort. Cette école était plutôt en vérité une constellation de chercheurs nés dans les années 1920 et exilé aux États-Unis sous le nazisme, et à partir de 1943-44, plusieurs groupes en son sein ont mené des enquêtes sur les préjugés dans la société américaine. Adorno dirigeait un groupe de travail en Californie. Ces réflexions des Francfortois, si j'ose dire, sont comme réveillées depuis quelque temps par ces sortes d'enfants terribles n'ayant peur de rien qu'évoquent les Trump, Bolsonaro, Boris Johnson et autres Javier Milei. L'excentricité séduit, on en trouve des traces dans le personnel politique de nombreux pays démocratiques. Trump, en pleine procédure pénale contre lui, il va plus fort que jamais en cette pré-campagne présidentielle. En novembre, il stigmatisait la vermine et la racaille de la gauche, notamment gauche radicale, qu'il prétendait vouloir éradiquer. Et hier, il a proposé un show mettant en scène le président Emmanuel Macron, accent à l'appui. La transgression alliée au motif de la force et de l'ordre, voilà ce qui nous occupe ce matin. Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Vous êtes écrivaine, philosophe de formation, vous êtes aussi traductrice et vous avez traduit pour les éditions Alia cette grosse étude collective dirigée par Adorno, La personnalité autoritaire, publiée à l'origine en 1950. Bonjour Katia Genel. Bonjour Géraldine. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie allemande et tout particulièrement de l'école de Francfort. Quand le Mexique nous envoie des migrants, ils ne nous envoient pas les meilleurs. Ils ne nous envoient pas vous ou vous. Ils nous envoient des gens avec des problèmes. Des gens qui emmènent leurs problèmes avec eux. Ils amènent de la drogue. Ils amènent le crime. Ce sont des violeurs. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre, je pense que vous l'aurez reconnu, des propos de Donald Trump de 2015 à propos des Mexicains immigrants. Ce n'est pas la seule fois qu'il les stigmatise sur un mode extrêmement violent, je parle du langage. Et notamment, on retrouve très souvent chez lui cette connivence avec le public contre, disons, des malfaisants extérieurs. Je donnerai d'autres exemples, et notamment qui concernent les migrants, là encore. Cette structure, nous contre eux, vous paraît-elle typique de ce que Adorno à l'époque appelait la personnalité autoritaire et aussi les groupes de chercheurs autour de lui, parce qu'il n'était pas tout seul à réfléchir à ces questions. Katia Genel. Oui, absolument. En fait, là, on voit un exemple de critique vraiment désinhibée des minorités. Et c'est pour Adorno au cœur de ce qu'il désigne comme personnalité autoritaire, parce que la personnalité autoritaire, en fait, c'est finalement une potentialité fasciste, enfin c'est comme ça qu'il l'appelle, qui est finalement une potentialité antidémocratique. Oui. Et donc il faut peut-être lever quelques malentendus. La personnalité autoritaire, c'est pas un chef qui serait surpuissant et qui va écraser tout le monde. C'est un mélange plein d'ambivalence, et je pense qu'on aura le temps de développer cette ambivalence, de désir de soumission, enfin, d'assujettissement de l'autre, et de désir de soumission de soi-même. Et donc, il y a toute une chaîne de dépendance qui conduit en fait à un rapport d'exclusion à des minorités et de soumission à l'autorité. Vous pensez-vous aussi, Hélène Frappa, on va revenir sur les conditions de l'enquête d'Adorno et de ses collègues à la fin des années 1940, mais vous pensez-vous aussi que la structure nous ensemble contre eux, les ennemis, est centrale dans ce qu'Adorno appelait la personnalité autoritaire? Elle est centrale avec cette question, et il faut aussi, j'ajouterais déjà pour présenter ce texte, qu'il s'agit de fascisme, en effet, en tout cas potentialité fasciste. Voilà, d'élaboration, d'invention de la F-scale, c'est-à-dire l'échelle fasciste qui permet, à partir d'une série de questions, d'un questionnaire qui est issu d'une méthodologie très précise, etc., donc de tester des individus. D'ailleurs, les auditeurs peuvent passer, s'ils le veulent, on le trouve sur Internet, la F-scale, pour mesurer leur potentiel fasciste en fonction du questionnaire d'Adorno. Mais précisons évidemment qu'il s'agit du fascisme américain. C'est-à-dire, on est en 1950, on est aux États-Unis. La deuxième chose que je dirais pour réagir à l'archive de Trump, c'est qu'il y a, on peut y ajouter déjà une autre dimension, une autre caractéristique de la personnalité autoritaire selon Adorno, qui est une dimension projective. C'est-à-dire que là, on a un dirigeant politique qui a des accusations et des plaintes pour viol contre lui, donc oui. Donald Trump, qui accuse les migrants d'être des violeurs. Donc le violeur, c'est lui. En réalité, c'est très important aussi dans cette... Et je pense que ce qu'il faut pas perdre de vue, peut-être en s'intéressant aux conditions dans lesquelles cette enquête a été faite, c'est sa dimension contemporaine. C'est un texte, vraiment le texte d'Adorno, qui nous parle absolument au moment Alors, où nous sommes en train de parler. Encore une fois, pardon, on va rentrer vraiment dans le détail et de l'enquête d'Adorno, de cette échelle F qu'il a construite. Mais j'aurais resté un petit peu sur des exemples contemporains. Les mots que nous avons entendus là de Trump, c'était au moment de sa première campagne présidentielle. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quelques semaines en novembre, il disait, et là on sent bien la dimension projective, qu'il voulait éradiquer les communistes, les marxistes, les fascistes aussi, bien sûr. Les fascistes font partie de la figure de l'ennemi, en tout cas dans son propos explicite. Et les voyous de la gauche radicale, qui, ajoutait-il, vivent comme de la vermine dans les limites de notre pays, qui mentent, volent et trichent lors des élections, prêts à détruire l'Amérique. Dimension projective au sens où c'est précisément le fait, lui, de ne pas avoir reconnu la vérité de l'élection. C'est de cela qu'il est aujourd'hui accusé, en ayant favorisé ce qu'on a appelé un peu la prise du Capitole. Là, vous voyez bien une dimension projective. Il accuse les autres de choses dont il est accusé. Absolument. Alors, la question, et c'est en ça que ce texte nous parle aussi, c'est qu'est-ce que c'est que le fascisme américain? C'est-à-dire comment, dans un pays, et ça, Adorno en parle très bien, qui est censé être fondé sur la notion du melting pot, on va pouvoir retrouver des éléments d'agressivité autoritaire, de haine, de rejet de l'étranger, alors que officiellement, il semblerait qu'il y ait un accueil de l'étranger qui soit fait au sein de la culture américaine. C'est là où c'est très intéressant, parce que ça nous permet de penser des formes contemporaines de fascisme qui seraient spécifiques, finalement, pas seulement aux États-Unis, mais qu'on pourrait, enfin, si on prolonge le texte, on pourrait réfléchir à ce qui se passe en Italie, on pourrait réfléchir à ce qui se passe en France aussi, etc. Alors, par exemple, comment être antisémite ? Puisque c'est la question centrale du texte. Le texte d'Adorno a été commandé par l'American Jewish Committee. Il était même destiné au départ à faire partie d'une série de textes qui allaient pouvoir être séparés en opuscules qui auraient une vocation militante aussi, une vocation, disons, d'élucidation de ce que c'est que l'antisémitisme, et aussi qui permettrait de lutter évidemment contre ce phénomène. Donc toute cette rhétorique de la vermine, de l'écrasement, enfin de c'est une rhétorique qu'on a trouvée, on va en parler, je pense, mais qui a été celle du nazisme, que reprend Trump sans jamais la citer explicitement, mais en même temps avec des noms de code qui sont assez clairs pour ceux auxquels il s'adresse. Katia Genel, j'aurais quand même, pour nos auditeurs, qu'on précise un certain nombre de choses. Bien sûr, il y avait ce qu'on appelait aux États-Unis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début de la, et dans l'après-guerre, dans la fin des années 1940, juste avant d'ailleurs le McCarthyisme, c'est pas tout à fait un hasard, des agitateurs, on les appelait comme ça, des agitateurs d'extrême droite, des gens qu'on a oubliés, George Harrison Phelps, Joseph E. McWilliams, Martin Luther Thomas, et les exilés de Francfort connaissaient parfaitement ces gens-là. Ils disaient qu'ils voulaient tester dans la population américaine l'attrait pour ces gens-là et pour tout un tas d'idées. Et effectivement, ils prononçaient le mot fascisme. Mais il me semble qu'Adorno a mis quand même quelques bémols. Il ne pensait pas qu'il y aurait une répétition à l'identique du fascisme d'avant-guerre. Il demandait lui-même à prendre le mot fascisme avec certaines pincettes, non ? Oui, absolument. Et il y a un flottement, en fait, sur ce terme de fascisme, puisque, en fait, il y a une forme d'équivalence qui est faite entre personnalité autoritaire, personnalité susceptible de fascisme et personnalité antidémocratique. Donc, il cherche à désigner, en fait, une sorte de structure psychique qui nous rend enclin à adhérer à des préjugés antisémites et plus généralement antidémocratiques. Et si je puis me permettre, il demandait que la question de l'antisémitisme, même si vous avez raison, elle ne fera pas aller centrale dans son étude, on pose des questions autour de cela aux personnes interrogées, néanmoins elle n'est pas unique. Enfin, il peut y avoir de la personnalité autoritaire, comme il disait, sans une dimension antisémite tout à fait forte. L'antisémitisme était un des aspects, un aspect très important, mais c'est un des aspects. Oui. Et donc, il y a bien cette idée que il s'agit de, enfin, ils vont essayer de saisir des tendances au sein de la société américaine, au sein d'une démocratie après la guerre, c'est-à-dire à un moment où personne ne peut explicitement se déclarer fasciste. Enfin, ce serait vraiment cynique. Et donc, d'essayer de tester une potentialité un peu sous-jacente, une menace qui est portée à la démocratie. Et qui, pour eux, pourrait donner lieu à un fascisme plus affirmé si le contexte social permettait de favoriser justement ces tendances psychiques des individus. Et alors, si j'ai bien compris, l'enjeu était donc moins de parler des chefs eux-mêmes ou de ceux qui désiraient le devenir que des personnages séduits par des politiques qui ont un sens du spectacle aussi. Et c'est là où j'aurais quand même qu'on dise un mot. Ils avaient parfaitement anticipé que dans les personnages séduisants de l'après-guerre, auprès de tout un tas de gens qui ont une personnalité autoritaire, disent-ils, il y avait une dimension, un show, quoi, quelque chose de spectaculaire. Et quand Trump, par exemple, faisait en 2019 dire au public devant lui qu'est-ce qu'il faut faire avec tel élu démocrate, Ilhan Omar, qui est une fille qui a été réfugiée, qui est arrivée comme enfant de Somalie, et il a entendu dans la foule en Floride quelqu'un dire, il entendait send her back, send them back, mettez-les de côté, donc c'était en Caroline du Nord, renvoyez-la chez elle, etc. Et en Floride, quand quelqu'un dira qu'est-ce qu'on fait des migrants, il entend dans la foule quelqu'un dire shoot them, ce qui est quand même un appel au meurtre. Ce Trump qui a le sens du show dit shoot them, on n'a pas trop le droit de dire ça, mais on peut le dire en Floride. Et il adore en fait que la foule dans son show dise des propos transgressifs. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles les commentateurs vont rechercher la notion de personnalité autoritaire d'Adorno pour parler du phénomène de Trump et d'autres phénomènes de showman aussi à l'époque contemporaine. Les agitateurs que vous évoquiez tout à l'heure et qu'ils ont étudié les harangues sont aussi des gens qui créent du spectacle, et Adorno insiste beaucoup sur cette idée. Donc c'était des harangues un peu, c'est des phénomènes assez superficiels, c'est pas des chefs qui ont marqué forcément politiquement, c'est des discours de haine qui ont suscité une adhésion spontanée assez forte et qu'ils ont étudié. Ce sont des des spectacles. Hein. Ils insistent beaucoup sur cette idée. C'est ça qui plaît. Il faut que ce soit fabriqué. C'est pas spontanément des discours de haine. C'est vraiment c'est des jeux sur des techniques en fait psychologiques pour favoriser l'adhésion à ces préjugés. Alors on va revenir. Elle ne fera pas vraiment au texte d'Adorno, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres groupes de travail que le sien qui ont extrêmement clairement travaillé sur la séduction de ces agitateurs américains. Et notamment, il y avait deux personnages qui s'appelaient Löwenthal et Guterman. Pourriez-vous nous dire, Katia Genel, un peu qui ils sont, ces chercheurs, et qu'est-ce que c'est que cette étude qu'ils ont menée, eux, sur la côte Est, et non pas, comme Adorno, sur la côte Ouest des États-Unis ? Oui, alors leur étude, c'est les prophètes du mensonge. C'est une étude sur cette agitation fasciste aux États-Unis. Löwenthal, c'était un collaborateur de l'Institut de recherche sociale de l'école de Francfort de longue date, en fait, depuis le début. Et Norbert Guterman, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en France à la réception du marxisme et qui a travaillé avec Lefebvre, par exemple. Et donc, tous deux ont fait cette étude. Adorno a aussi participé, puisqu'il a aussi étudié Martin Luther Thomas, l'un des agitateurs. Et donc, il s'agissait, en fait, ils étaient assez conscients qu'il s'agissait d'un phénomène, superficiel, en fait, mais qui avait des enjeux. Il s'agissait, en fait, d'étudier ces agitateurs, leurs discours, les effets, les effets sur la foule, et ils ont mobilisé un vocabulaire et une conceptualité psychanalytique pour essayer de comprendre comment l'agitateur crée une forme d'égalité avec son public et suscite, dans ses discours transgressifs, va susciter quelque chose comme du désir, mais en refusant de satisfaire ce désir, justement. Enfin... Analyse de discours, analyse aussi de la séduction exercée par le discours des agitateurs d'extrême droite aux États-Unis juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce qu'ont fait les chercheurs de l'école de Francfort, Léo Löwenthal et Norbert Guterman, ayant publié donc en 1949 un livre, The Prophets of Deceit, les prophètes du mensonge. On en écoute un extrait. Puisque son public est composé de dupes éternelles, victimes d'une conspiration omniprésente, on se doute que l'agitateur va insister sur toutes les bonnes choses de la vie dont profitent les autres, contrairement à ses auditeurs. L'agitateur peut donner l'impression d'emboîter le pas aux révolutionnaires, en prônant une redistribution des richesses. En réalité, il se garde de tirer des conséquences aussi explosives. L'agitateur dresse l'étrange tableau de maisons luxueuses, démesurées, où l'alcool coule à flot et où les piscines prolifèrent. Les enfants jouent dans des garderies tandis que les adultes font la fête dans des salles de jeux et des boîtes de nuit, autour de pistes de course et dans des chambres à coucher. Cette vie d'adultère et de perversion est stigmatisée comme anti-américaine, caractéristique des étrangers et des réfugiés qui dilapident des fortunes mirifiques quand ils ne sont pas occupés à voler le travail des Américains. L'agitateur aiguise souvent l'appétit de ses soutiens par des descriptions détaillées des richesses de l'ennemi, tout en soulevant leur indignation face à des pratiques aussi dépravées. Même quand l'agitateur semble s'époumoner à revendiquer pour son public un meilleur partage des richesses, il réprime ses revendications en réalité. Tout en les faisant miroiter, il désavoue les plaisirs et les bonnes choses de la vie. Jouir de la richesse est synonyme de débauche et de vice. Dès lors, la richesse est un fruit défendu. Si l'agitateur ne peut promettre à ses fidèles qu'ils profiteront davantage des bonnes choses de la vie, il peut leur suggérer que la belle vie consiste en autre chose, la satisfaction des pulsions réprimées. Et il peut leur suggérer que s'ils lui obéissent, ils se verront offrir le riche débauché en guise de victime sacrificielle. Hélène Frappa, ce texte est extrêmement intéressant parce qu'il montre, sous la plume donc de Léo Löwenthal et de Guterman, qui ont écrit sur les agitateurs fascisants de l'Amérique de l'après-guerre, il montre que la séduction exercée est ambivalente. D'une certaine façon, tout le monde, à travers ces agitateurs, stigmatise des profiteurs du système, des riches qui sont là dans leur piscine et qui en plus aiment bien les immigrants. Enfin, il y a une espèce d'ennemi intérieur anti-américain. et notamment qui jouit de la richesse et qui a un véritable bonheur de la vie, ils sont stigmatisés, mais en même temps, on ne peut pas du tout dire que les agitateurs fascisants proposaient une redistribution des richesses, une authentique révolution avec un nouveau système économique. C'est-à-dire que c'est une colère sans vision réformiste fondamentale. Oui, c'est l'éternelle arnaque du fascisme, je dirais. On l'a vu récemment en Italie, où Giorgia Meloni a été élue sur un programme adressé aux pauvres et en leur faisant miroiter ce type de fantasme, en fait, des riches qui vivraient une vie, etc., pour finalement supprimer le revenu minimum. Mais ça c'est assez classique. Le mot-clé, je pense, c'est l'ambivalence, effectivement. C'est-à-dire, ce qui est génial dans le texte d'Adorno et l'étude d'Adorno, entre autres, c'est qu'il s'agit d'une étude très poussée, d'une analyse très poussée sur un plan, je dirais, psychique, mais qui ne bascule jamais en même temps dans le psychologisme. Oui. C'est-à-dire qui, comme vous le disiez très, très justement, la question est toujours quel type de société va pouvoir déclencher une potentialité dans la personnalité, avec évidemment ce présupposé qu'il existe une personnalité humaine. Et puis autre chose, effectivement, la question de l'antisémitisme est une question clé. Cependant, elle est articulée à toutes les formes de haine. On pourrait dire d'une certaine manière que ce que nous montre ce livre, c'est que la haine est la même partout. C'est-à-dire la haine du juif est raccordée à celle de la femme, la misogynie, à celle de l'homosexuel, très présente dans le texte, l'homophobie, au racisme et à ses formes différentes, etc. Donc, autre paradoxe, et sur la question de l'ambivalence, oui. Dans la personnalité autoritaire, on trouve souvent ce que Adorno appelle l'anti-intraception, c'est-à-dire au fond une haine de l'imagination. Une haine une méfiance, voire une haine des personnalités rêveuses, considérées comme faibles, des artistes, etc. Et en même temps, dans le texte qu'on vient d'entendre, on voit bien comment se déchaîne un imaginaire, un fantasme, assez pauvre hein, en réalité, hein, qui se ramène à ce que Adorno appelle la promiscuité. Enfin, c'est un terme américain qui désignerait, disons, des fantasmes de débauche, il y aurait des classes, des conspirations de classes dirigeantes en secret qui se livreraient à orgiaques de partout secrètes, etc. Tandis que les pauvres, eux, seraient maintenus dans un état comme ça où ils ne pourraient pas se livrer à toute cette débauche, etc. Donc tout ça repose effectivement sur des fantasmes. Oui. Mais qui ne sont pas du côté de l'imagination. C'est pas la même chose, en fait. Donc ce texte est vraiment, de ce point de vue-là, assez génial sur ce que c'est aussi que la personnalité, ce que c'est que psychiquement un être humain et quelle est toute son ambivalence. Katia Genel. Oui, je crois que le paragraphe dont est issu le texte qu'on vient d'entendre s'appelle Fruit défendu. Et donc c'est vraiment l'idée que on va critiquer la transgression, c'est-à-dire ces gens qui transgressent, qui eux ont des plaisirs, etc. Et donc ça c'est ce qu'analyse Lewenthal et Guterman, mais Adorno pourrait appeler ça une satisfaction substitutive. En fait, ce discours il fait voir ce que serait une sorte de satisfaction des désirs sans jamais vraiment la donner, mais en la promettant. Et c'est un peu le rôle. Et Adorno fait lui-même ce rapprochement entre la propagande des agitateurs fascistes et l'industrie culturelle. C'est un peu le rôle de l'industrie culturelle, c'est-à-dire donner cette satisfaction substitutive. Dans laquelle il y a de la frustration, exactement. Voilà, ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est le contraire, c'est ce que vous disiez, c'est le contraire de la répartition des richesses. On ne s'attaque pas aux causes du malaise social, mais on va essayer de susciter ces désirs en les frustrant, de les discipliner, de les orienter, mais sans jamais les satisfaire. On peut dire alors, Katia Genel, que à première vue, la séduction que suscitent ces agitateurs fascisants, repose sur une haine des transgresseurs. Il y a des riches qui transgressent tout, ils sont horribles, il faut les éradiquer, etc. Mais en même temps, voilà, on va arriver au cœur de notre affaire, la personnalité autoritaire est prête à les punir, à les châtier sur le mode le plus transgressif qui soit, ça fait partie des fantasmes que vous évoquiez, Hélène Frappa, sans aucun respect apparent des règles de droit. Et donc, il y a de la transgression dans la personnalité autoritaire, alors même qu'elle désire, elle, châtier les transgresseurs. Cette complication est au cœur de notre émission. Je voudrais que vous me expliquiez. Oui, mais alors il y a une double complication parce qu'il y a aussi l'idée, je reviens tout de suite sur cette complication, mais il y a aussi l'idée que on va demander, enfin que les agitateurs vont inviter en fait l'auditoire à. Alors c'est une phrase qui est tirée de l'ouvrage Les prophètes du mensonge et que Olivier Voirol dans sa préface met en évidence. C'est l'idée de continuer à se gratter. Il dit voilà que les agitateurs produisent en fait chez les individus cette espèce d'injonction à continuer à se gratter au lieu de là, il y a des plaies au lieu de les laisser cicatriser on va les exacerber les continuer à se gratter et donc cette transgression elle est donc il y a de la transgression qui est effectivement punie enfin en tout cas on appelle à la punition mais en même temps il y a eu un appel à la transgression. Il y a un appel toujours renouvelé à la transgression. Et notamment dans le vocabulaire. Hein, le vocabulaire du show des agitateurs et le vocabulaire de ceux qui sont séduits par ces showmen et qui adorent dire des grossièretés, appeler au meurtre, à la radicalité. Alors on va arriver maintenant un peu dans le détail à l'analyse menée par le groupe d'Adorno, cette fois-ci sur la côte ouest. Donc Hélène Frappa, quelques mots sur la méthode. Adorno est un philosophe très abstrait, difficile, et voilà notre Adorno faire une on n'en avait vraiment pas l'habitude, faire une enquête quantitative avec des questionnaires adressés à 2099 personnes, c'est extrêmement précis, qui ont été interviewées plusieurs fois pour essayer de tester chez eux des pensées soit très conservatrices, soit antisémites, comme vous l'aviez dit, soit ethnocentristes. Et donc tous ces gens ont défilé dans des bureaux à Berkeley, parce que l'université a laissé un peu Adorno et son équipe travailler. Et ça a produit quelques échelles, les conservateurs étant haut ou bas sur cette échelle, les antisémites, les ethnocentristes, etc. Et puis à un moment donné, Adorno dit à son groupe, on va faire une synthèse de tout ça et on va construire une échelle synthétique qu'on va appeler F comme fasciste, c'est-à-dire des personnalités vraiment avec un fort potentiel fascisant. Qu'est-ce que c'est cette échelle F, Hélène Frappa ? Alors, il y a plusieurs choses qui, peut-être, votre description d'Adorno est très juste, mais qui peut-être vont le tirer, le faire basculer vers une pensée beaucoup plus concrète, enfin, qui aboutit à ce texte assez bizarre en même temps. Enfin, un gros livre, hein, ce texte, vous dites. Ce texte. Très long, mais assez bizarre, enfin, dans sa forme. Alors, il a été, comme je le disais, commandité par l'American Jewish Committee. Donc, il répond, c'est une commande, et c'est une commande qui a une visée pédagogique. Comme l'ensemble d'ailleurs des études sur le préjugé, Studies of Prejudice, exactement, qui a été menée par l'école de Francfort aux États-Unis, c'est une commande au départ. Voilà, donc c'est une commande qui vise à la fois à produire une élucidation, mais une élucidation, on pourrait dire, alors moi je dirais en citant plus Hannah Arendt, mais qu'il n'y a pas d'élucidation sans émancipation en réalité, enfin, à mon avis, en tout cas dans ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'à partir de l'idée, c'est quand même que en élucidant tous ces ferments de haine, il sera peut-être possible de prévenir tous ces mécanismes et ce potentiel fascisme. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même pas très loin de Hollywood, hein, c'est-à-dire vous dites, effectivement, ça se passe à Berkeley, on est sur la côte ouest, et d'ailleurs beaucoup des personnes interrogées travaillent pour l'industrie hollywoodienne, pour l'industrie du cinéma. Ce qui a joué, je pense, aussi sur ce texte, et ce qui a peut-être aussi fait que, à la même époque et un peu après, Adorno va s'intéresser à des phénomènes très populaires, comme par exemple le courrier du cœur dans les journaux américains, l'horoscope. Hein. Tout ça étant intervenant beaucoup d'ailleurs, hein, la question de l'horoscope et est une des questions qui intervient. Donc d'un côté, on a effectivement des questions qui sont posées. Alors, je pense vraiment que il ne serait plus possible de poser les questions comme je renvoie les auditeurs. Vous pouvez voir. Ils leur posent des questions. Elles sont très cash, hein. Pour dire, c'est cash. Qu'est-ce que vous pensez des Juifs, des Noirs? Qu'est-ce que vous pensez des universités? On a des. Est-ce réponses. Que vous pouvez citer une seule? Je cite là. Hein, je mets des pas. Est-ce que vous pouvez citer une seule qualité concernant les Juifs? Fin de citation. Et ça, moi, je me souviens parce que comme traductrice, ça m'a beaucoup marqué. J'étais partagée entre l'envie d'éclater de rire et celle de pleurer, ou plutôt d'éclater de rire pour ne pas pleurer. Après un silence très très très très très très long, c'est-à-dire la personne interrogée a mis un temps infini pour trouver une qualité concernant les Juifs, elle a fini par faire cette réponse, je cite, « ils sont blancs ». Fin de citation. Donc ça, c'est un des nombreux exemples, voilà, qui sont. Mais ce qui est très fort dans ce texte, c'est que au début, effectivement, il y a toute une partie méthodologique. Comment élaborer les questions? Quelles sont les conditions de possibilité, on pourrait dire, de ce questionnaire, avec d'un côté un présupposé effectivement qui repose sur l'idée qu'il existe une personnalité humaine, et donc un présupposé freudien, on pourrait dire, et puis d'un autre côté l'idée que ce présupposé va être activé par une société, un certain type de société, un certain type d'éducation, etc. Et là on est plus dans une dimension, disons, marxiste, enfin, qui renvoie aux conditions de possibilité, de l'activation de cette possibilité. Ce qui est très beau par ailleurs dans ce texte est assez étonnant, c'est la manière dont peu à peu ces échantillons, ces numéros presque, on pourrait dire, vont devenir presque des personnages, en tout cas des personnes. Avec plus ou moins haut score sur la fameuse échelle F. Et donc évidemment, on va se demander qui sont ceux qui ont le plus haut score. Exactement. On va préciser conceptuellement ce qui les caractérise. Et avec une description, je dis personnage, bon, c'est une vision un peu de romancière, mais avec une description assez précise, très précise, du contexte dans lequel ils ont été élevés, quelle a été leur famille, quelle a été, sachant que tout ça est absolument connecté, c'est-à-dire que, et je pense notamment à la fin absolument bouleversante de ce texte, qui est très proche d'ailleurs, qui fait beaucoup penser à ce que Anna Arendt dans Les origines du totalitarisme peut dire sur l'événement, l'idée que toute naissance est un événement, donc on peut espérer que toute naissance soit un nouveau commencement, en citant saint Augustin. Là, il y a cette idée que, après cette traversée d'une noirceur absolue, parce qu'on est en 1950. Enfin, on est surtout un peu avant, parce que le bouquin paraît en 1950. Voilà, mais c'est-à-dire, en fait, on est assez près de la Seconde Guerre mondiale pour qu'on puisse espérer de l'être humain une certaine empathie pour les millions de morts, le génocide produit par l'idéologie nazie, et en même temps, une connaissance suffisamment affûtée aussi pour que ces préjugés-là ne soient pas reconduits. C'est ça qui est vertigineux. Mais il n'y a pas que l'antisémitisme, on l'a dit, et je voudrais le répéter, c'est étonnant comment ces gens parlent de tout un tas de choses. Je rappelle à nos auditeurs que nous attaquons ce matin une série dont le titre est « La transgression est-elle un nouveau conformisme ?» et que nous parlons de cette notion forgée par Adorno à l'issue d'une enquête assez extraordinaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, une enquête qui a débouché sur ce livre, La personnalité autoritaire, à partir de questionnaires et d'entretiens avec des gens qui disent, par exemple, et on retrouve là une espèce de conspirationnisme très à la mode aujourd'hui, il y a des activités anti-américaines, et le citoyen vigilant devrait prendre lui-même l'initiative de la loi et punir lui-même les malfaisants. Après la guerre, il y aura beaucoup de violence, du crime, il faudra contrôler les gangsters et les voyous. Les universités donnent trop d'arguments intellectuels, anti-intellectualisme et théoriques. Il faudrait donner plus d'importance aux questions pratiques. Les idées du mensonge aussi, les comptes rendus des atrocités, dit un interviewé en Europe, sont très exagérés. C'est évidemment le gouvernement qu'on vient d'avoir aux États-Unis qui a provoqué la guerre. Donc de la nature aussi, l'homosexualité qui est contre nature. Les Noirs qui conduisent tous des Cadillacs, enfin... Les femmes qui devraient être maintenues dans l'espace domestique, tandis que les hommes, il est plus naturel, toujours cet argument, que les hommes aient plus de rôle dans la société, etc. Donc il y a une connexion, en fait. En effet, on ne peut pas isoler la haine. C'est ça qui est très très fort dans ce texte. Katia Genel, ce qui est transgressif, paradoxalement, dans le désir d'ordre de la personnalité autoritaire, c'est l'envie de punir soi-même, c'est la radicalité du langage, et c'est finalement l'allure globale de rebelles qu'ont ces personnages assoiffés d'ordre. Oui. C'est ça ? Oui, on a on tourne autour de ce paradoxe de la personnalité autoritaire, c'est cette idée qu'à la fois la personnalité autoritaire se forge sur l'absence d'autorité, sur la perte d'autorité, donc cette absence d'autorité qui est en fait l'autorité du père fait que, donc c'est une explication d'ordre psychanalytique que donnent Adorno et ses collègues, les individus vont être justement de plus en plus conventionnalistes. Enfin, ils vont s'attacher à des, ils vont se soumettre à des autorités de façon purement externe, de façon à partir d'une, d'un, de ce qu'ils appellent, de ce qu'Adorno et ses collègues appellent un moi faible. Mmh. Ils vont se soumettre tout en recherchant perpétuellement une autorité. Et donc la transgression tient au fait que à la fois ils se situent, ils se positionne comme, et on retrouve ce que vous disiez sur Trump tout à l'heure, comme étant les figures du moral, d'un moralisme punitif. Ils vont essayer de punir, enfin avoir une volonté de punition de tous ceux qui transgressent. Et en même temps, comme ils sont attachés à l'autorité, ils vont chercher à incarner une autorité, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, ils vont rechercher le pouvoir, ils vont rechercher la prise de pouvoir. Et on retrouve ça chez Trump, cette idée que il peut stigmatiser les migrants et critiquer leurs transgressions, mais pour lui-même, il s'autorise toutes les transgressions possibles. C'est-à-dire que c'est lui qui incarne la morale du moment qu'elle est la règle du plus fort. La règle du plus fort, car la faiblesse est vraiment quelque chose de mauvais. Oui. Profondément dénoncé par les personnages qui sont les plus proches de ce que Adorno appelle la personnalité autoritaire. Eux-mêmes, parfois, font référence à des souffrances qu'ils ont pu connaître, enfants, mais ils disent que c'est fini, ils sont très forts, ils se sont construits comme des personnages forts. Le culte de la force est central, Katia Genève. Oui, la faiblesse est déniée. Et toute l'explication d'Adorno tient au fait que le déni, c'est le déni de qualité qu'on a soi-même et qu'on ne veut pas se reconnaître et qu'on projette sur les groupes externes. Quant à l'envie de punir les malfaisants, elle est obsessionnelle. On écoute un passage des études sur la personnalité autoritaire d'Adorno en ce sens. L'individu qui a été contraint d'abandonner des plaisirs fondamentaux et de vivre dans un système de restrictions rigides et qui par conséquent se sent sacrifié, a des chances non seulement de rechercher un objet sur lequel se venger, mais aussi d'être particulièrement ennuyé à l'idée qu'une autre personne reste impunie. Une fois que l'individu s'est convaincu lui-même qu'il existe des gens qui devraient être punis, il dispose d'un canal à travers lequel ses impulsions agressives les plus profondes peuvent s'exprimer, même s'il se considère lui-même comme un individu absolument moral. Si ses autorités externes ou la foule accordent leur approbation à cette forme d'agression, alors elle peut prendre les formes les plus violentes et persister après que les valeurs conventionnelles, au nom desquelles elle a commencé, ont été perdues de vue. Alors ça, c'est très troublant, c'est-à-dire que il faut punir ce qui semble être, disons, une position d'ordre, Hélène Frappa, mais punir à n'importe quel prix, et ça, c'est le désordre de la rébellion tous azimuts. Donc il y a dans le culte de l'autorité une part transgressive. C'est la question de la loi. Enfin, si on en revient à la question que pose celle de la transgression, c'est-à-dire quelle loi est transgressée. Moi, ce que je trouve assez fascinant dans ce texte, puisque nous sommes en train de le lire là de manière contemporaine, c'est qu'il ne dénonce pas seulement des individus qui nous paraîtraient, pour reprendre un terme d'Adorno ou de Hannah Arendt, excentriques, c'est-à-dire quelqu'un comme Trump, qui serait notre méchant autre, en fait, ou quelqu'un comme Milei en Argentine, qui serait... En réalité, est-ce qu'il ne s'agit pas plus concrètement, plus précisément, d'une sorte de ce que les féministes appellent, à mon avis, tout à fait à juste titre, et de manière très rigoureuse, un continuum, hein, qui serait un continuum de violence qui commencerait dans la micro-société qui est celle de la famille, puisque c'est essentiel dans le texte d'Adorno. Il revient constamment aux conditions, à l'enfance en fait. Hein. Alors, c'est pas l'enfance d'un chef, c'est plutôt l'enfance de ceux qui ont ce potentiel fasciste. Qui ont envie de chef. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'il y a eu une violence conjugale? Est-ce que le mari a été violent sur sa femme? Est-ce que le père a été violent? Ce qu'on appelle vraiment très concrètement cette violence patriarcale. Et comment elle s'est étendue ensuite à leur personnalité, effectivement, avec toute la dimension, le rapport d'ambivalence et de projection de la terreur, de la faiblesse, etc. Et une forme d'identification à cette violence qu'ils ont pu subir. Et tout ça, en fait, va imprégner toute la société elle-même et ne concerne pas du tout seulement, ça va imprégner ensuite leur rapport aux femmes, la misogynie qui à chaque fois est extrêmement violente, la haine de l'autre, etc. Et donc ça ne concerne pas que des grands Trump en réalité, non, ça concerne... On parle depuis un moment maintenant de ceux qui sont séduits par des Trump, absolument. Plus que de Trump lui-même ou des agitateurs fascisants eux-mêmes de l'après-guerre aux États-Unis. Et qui peuvent avoir donc des discours absolument conservateurs, tout en étant des individus qui peuvent transgresser, par exemple en ayant fait subir l'inceste à leurs enfants, ce qui est une forme absolument, je trouve, qui rejoint exactement ce faux paradoxe d'une certaine manière. Alors je pense que, enfin j'entends ce que vous dites, mais je voudrais qu'on se concentre vraiment c'est sur la question de la loi. Ouais. Et oui, mais c'est la question de la loi. C'est-à-dire à la fois on la voudrait plus dure, mais on s'autorise pour l'appliquer durement à des transgressions personnelles. Katia Genel, le fait que l'origine du caractère autoritaire, j'emploie exprès ce mot car c'est celui de Eric Fromm, qui était un chercheur de l'école de Francfort, qui lui-même avait fait des études dans les années 1930 en Allemagne sur la famille et sur le rapport à l'autorité. Ce caractère autoritaire, avec toutes ces haines agglutinées que vient de décrire Hélène Frappa, à avoir avec la famille. Vous pourriez préciser cela? Oui. Est-ce que c'est vrai autant pour Adorno dans les années 40, quand il fait ses études aux États-Unis, que pour Eric Fromm dans les années 30, quand il fait ses études en Allemagne? Alors, c'est une question assez complexe et je pense qu'il y a une évolution quand même entre ce que Erich Fromm a diagnostiqué et donc avec Horkheimer et Marcuse à l'époque, en 36, mais avant ça dans les années 30, enfin à la fin des années 20 en fait. Et ce qu'Adorno va développer ici avec la personnalité autoritaire, disons que, et justement, et c'est ça qui nous amène à l'idée que la personnalité autoritaire, c'est pas juste un type psychologique qui serait transhistorique. C'est aussi un diagnostic spécifique d'une période historique qu'on peut pas traiter comme une essence en fait. Une époque où la famille avait peut-être une structure singulière. À la fois, le père voulait, voulait imposer son autorité. Et il y avait déjà un début de rébellion très fort dans les familles contre les pères, c'est ça? Oui. Alors en fait, on est déjà dans la fin de la famille, en un sens. Enfin, c'est ce que diagnostique déjà Fromm et puis Adorno ensuite. Enfin, cette idée, il s'appuie sur la société sans père, enfin, c'est de Federn. C'est cette idée que, en fait, certes, il y avait un père assez puissant, et donc il y a certaines analyses qui disent que se prépare dans la famille un État autoritaire en miniature et que la famille est déjà le laboratoire qui va conduire au fascisme. Donc ça, c'est pour l'Allemagne. Et en fait, ce que montrent Fromm et les autres, déjà, mais vraiment beaucoup plus clairement encore Adorno, c'est que la cause de cette personnalité autoritaire, c'est pas la soumission au père, c'est plutôt le fait que justement le père étant dépourvu de pouvoir à présent, enfin en raison de sa situation économique, ne s'opère plus le conflit avec le fils. Enfin, c'est ce qui est dit un petit peu dans le texte qu'on a entendu. Dans les textes qui sont autour de ce texte qu'on a entendu, le conflit n'a plus lieu et donc une autonomie véritable n'est plus possible par une sorte de combat contre l'autorité. Et le conventionnalisme, c'est l'échec de cette intériorisation de l'autorité qui était liée au père. Si je comprends bien, il y a un désir d'autorité, mais qui n'est plus incarné par une figure paternelle relativement pacifique, mais qui est mêlé à de l'anti-autoritarisme, de l'anti-père. Et donc finalement, Fromm dira ce qu'on cherche dans ces sociétés-là, qui ont un potentiel fasciste important, et l'Allemagne l'a montré, c'est un grand frère rebelle, c'est-à-dire une figure d'autorité, mais qui va casser la gueule au père, enfin si je puis me permettre de le dire un peu prosaïquement. Et là, on a bien notre sujet du jour. on veut et de la transgression et de l'autorité et en même temps. Et de l'horizontalité en même temps que de l'autorité. Parce que ce grand frère, il est aussi beaucoup plus identique que le père ne l'était à nous. Mais donc, en fait, l'idée, c'est que... Enfin, leur diagnostic, c'est que la famille patriarcale, en s'effondrant, n'a pas du tout libéré les individus de l'autorité, mais au contraire, les a ramenés à une autre forme d'autoritarisme, au sens d'une recherche de l'autorité. Et c'est ça que Fromm appelle notamment un rebelle par rapport à un véritable révolutionnaire. C'est-à-dire que ça crée des individus qui sont suffisamment... Enfin, qui sont tellement faibles, en réalité, parce que peu structurés, qu'ils vont finalement rechercher une autorité à tout prix. Oui. Et donc, la transgression vient du fait que toute autorité est bonne. On va en dégommer une pour en remettre une autre à la place. Et toute la difficulté, c'est de sortir de cette structure psychique qui nous fait rechercher des autorités, quelles qu'elles soient. Alors, dans les études sur la personnalité autoritaire, la famille patriarcale me paraît peu effondrée en réalité. C'est même la question qui se pose constamment à travers le portrait de l'enfance. Et la dernière personne interrogée qui est la seule à montrer être libérale. À avoir une personnalité libérale, donc à ne pas être, à être le moins possible, à avoir un potentiel fasciste absolument, presque absent, enfin absent sur ce score-là, est précisément quelqu'un dont il décrit longuement la famille et les relations de respect qu'il y avait, d'égalité dans la mesure du possible entre son père et sa mère, et elle a eu un type d'éducation qui ne correspond pas à la norme de la famille patriarcale, et il conclut là-dessus. C'est la dernière phrase, la fin est vraiment sublime, je trouve. Et la fin est aussi ambiguë, même sur votre point, parce que je voudrais quand même citer Adorno, Hélène Frappa. Il faut changer la structure de la famille. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que oui, bien sûr, les personnalités autoritaires ont connu l'autorité patriarcale, dites-vous, Hélène Frappa, à la maison. Mais en même temps, il y a un désir de rébellion contre cette autorité paternelle, patriarcale, qui existait aussi. Et Adorno écrit vers la fin du livre, il est d'ailleurs extrêmement difficile de distinguer une telle attitude d'une vraie attitude non autoritaire. Car par certains aspects, la personnalité autoritaire semble détester l'autorité. Ça, c'est cette complexité qui est troublante. La complexité, elle se joue entre une rébellion, effectivement, qui est celle de la violence contre la violence, en fait, qui est l'enfant qui a été maltraité et qui va réagir à cette figure de père maltraitant en étant séduit ou contraint par la violence. Et quelqu'un qui aurait, par exemple, comme cette jeune fille, qui a des idéaux utopistes, qui est dans un sentiment de révolte, contre toute forme d'injustice, de discrimination, qui comprend même pas, qui peut même, et ça c'est très important, qui a de l'humour, donc ce qui veut dire l'humour, c'est toujours une forme de fluidité psychique, c'est complètement absent d'une personnalité, disons, paranoïaque, par exemple, autoritaire, évidemment. C'est même pas drôle. Absolument. Et qui n'a pas cette manière, elle peut même faire des blagues sur les juifs, mais qui sont pas du tout des blagues antisémites. C'est-à-dire qu'elle voit les autres comme des subjectivités, comme des individualités, comme des singularités. Cette dernière femme. Et voilà, donc là, on voit bien qu'elle est du côté de l'idéal, de l'utopie, qui peut s'exprimer en effet contre une révolte, mais c'est pas la même chose que la révolte de la violence, l'expression d'une pseudo-révolte dans la violence, qui aboutit à ce que vous appelez dans ce cycle d'émissions la transgression, qui pour moi me fait vraiment penser à ce qu'écrivait David Rousset dans l'univers concentrationnaire quand il écrit cette phrase abyssale qui est « Les gens normaux ne savent pas que tout est possible ». Voilà. Donc cette femme, à la fin, elle fait partie de ce qu'on appellerait les gens normaux. Les gens normaux par opposition. Non pas qu'il s'agisse de définir la normalité par opposition à ce qui n'est pas normal. Mais elle sait que tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible, ça veut dire que cette pseudo-transgression qui consiste essentiellement à être violent, aussi bien violent en parole qu'en acte, c'est la même chose. En réalité, c'est ce que nous montre aussi ce texte. Elle est de l'autre côté, puisque transgression, c'est vraiment toujours l'idée de la frontière, et celle qu'on traverse ou pas, étymologiquement, elle est de l'autre côté de cette frontière, cette jeune femme-là qui a le score le plus bas. Katia Genel, Les figures de rebelles hein, qui peuvent donner l'impression d'être anti-autoritaires, comme dit Adorno, mais qui en fait sont là pour installer une autorité très dure. Il y en a eu dans le nazisme et Adorno en parle. Il parle notamment de Ernst Röhm qui a dirigé jusqu'en 1934, avant d'être écarté, les SA, c'est-à-dire ces milices en quelque sorte qui faisaient régner ce qu'ils appelaient l'ordre dans la rue, qui ont joué encore d'ailleurs un rôle important plus tard, en 38, au moment de la nuit de cristal, qui matait les communistes dans les années 20 dans la rue, qui cassait des boutiques, qui cassait du juif, mais qui cassait aussi du communiste. Ces figures ont quand même, à un moment donné, été écartées par le nazisme. C'est comme si Hitler était plus intelligent, au sens de l'habileté, que les personnages qui l'ont aimé et qui ont voté pour lui et qui l'ont soutenu. Il savait qu'il fallait leur donner du rebelle et puis à un moment neutraliser les rebelles pour passer à ce qui est quand même l'élaboration d'un système totalitaire où la rébellion n'est plus du tout possible. Oui, alors ça c'est aussi une question de point de vue depuis lequel on se place dans l'analyse, mais c'est vrai que là l'analyse d'Adorno est plutôt sur les l'attente d'une autorité qu'on replace, mais en fait concrètement effectivement quand on analyse le système totalitaire, alors c'est plutôt ce qu'a fait Hannah Arendt, mais du point de vue de son fonctionnement, c'est un système qui se met en place effectivement par l'élimination des rebelles et la position d'un pouvoir, d'une terreur en réalité. Donc là, on n'a plus, il y a même plus le jeu qui permettait aux personnalités autoritaires de dégommer successivement des rebelles. Est-ce que vous pensez, Katia Genel, que l'une des leçons de ce livre d'Adorno sur la personnalité autoritaire, c'est qu'il faut se méfier des rebelles violents? C'est-à-dire, et d'ailleurs Adorno a été très sceptique en 1968, comme Lacan a été très sceptique en 1968 en France, il y a parfois chez les rebelles les plus violents des désirs d'autorité obscurs et dangereux. Oui, c'est intéressant parce que cette question de l'autoritarisme, elle a effectivement complètement... Elle a continué à être présente à propos de 68. Les lecteurs de l'école de Francfort par la suite ont justement essayé de dire le problème, c'est que l'autoritarisme, c'est au quotidien, c'est les personnalités qui désirent l'autorité à tout prix. Et en fait, toute la difficulté du livre, et pour moi, c'est sa leçon, c'est la complexité, la difficulté qu'il y a à se défaire d'une structure psychique qui est favorisée par les conditions sociales et qui nous fait rechercher l'autorité à tout prix. Et en même temps, ils ont peut-être plaqué sur 68 leurs angoisses liées oui, à la Seconde Guerre mondiale. Oui, puis leur peur des mouvements collectifs. Enfin, ça, c'est évident. Ils sont sans doute passés à côté. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace vital est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression stoppée net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas les cas d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était c'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire faire? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Je ne fais que vivre baïonné, en effet, comme le veut la société. C'est un fait, mais il est temps que cela cesse. Pas face à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une main vengeresse brûle l'État. Policiers en premier, et on voit la République brûler. On même un bûcher, ouais. notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper. Quoi? Tes miroirs tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Beaucoup sont déjà dans ce cas. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi. Désarroi déjà roi. Le monde rira l'un de l'exemple. Désarroi déjà roi. Vous subirez la même pente. Agonie lente, c'est pourquoi j'en attends trop. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc l'heure n'est plus à l'indulgence. Mais ça vous fait par le feu. Ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux. Mais qu'est-ce qu'on a? Faire tout péter, incinérer le système, un appel à la rébellion dans toute sa violence. C'est la raison probablement du fait que ce titre de Suprême NTM, Qu'est-ce qu'on attend, chanson 1995 sur leur album Paris sous les bombes, est apparu un peu dangereux, subversif, transgressif, mais peut-être plus grave que simple, qu'un simple appel à la vigilance critique et à la rébellion. Je laisse les choses ouvertes, c'était quand même une belle illustration de notre sujet du jour. Je vous propose à présent d'écouter Frédéric Worms, qui cette semaine, dans sa chronique, traite du chaud et du froid. Pourquoi le chaud et le froid sont-ils fondamentaux? On a longtemps méprisé ce qu'on appelait de manière condescendante une physique des qualités sensibles. Il est vrai qu'il était naïf et qu'il pouvait paraître même absurde rétrospectivement de fonder l'étude de la nature, la physique tout entière, sur des couples de qualités issues de notre expérience sensible, c'est-à-dire de notre vie. Par exemple, chez Aristote, en effet, le chaud et le froid, le sec et l'humide, comme dans le domaine du mouvement le haut et le bas, le naturel et le violent, ces couples de qualités sont la base de l'étude scientifique de la nature. Et on ne peut pas réduire l'étude de la nature à l'opposition en quelque sorte absolue, primitive, du chaud et du froid, du sec et de l'humide pour mesurer la transformation des phénomènes, même si on sent bien qu'il y a là quelque chose de fondamental. Il fallait que la science passe par le rejet de ces oppositions rapides, immédiates, sensibles, par la mathématisation, par l'étude objective de ce qu'on appelle la chaleur. La chaleur, ce n'est plus du tout une qualité sensible de notre corps. La chaleur, c'est l'effet de mouvement de particules, c'est l'effet des tourbillons qui dégagent dans leur travail ce qu'on appelle de l'énergie. Cela se mesure. Et l'une des unités de la chaleur aujourd'hui que nous retrouvons jusque dans nos aliments, ce sont les calories. La chaleur est en effet une quantité et non pas seulement une qualité. Et donc, dans la mathématisation de la science, sur laquelle Gaston Bachelard, et il faudra y revenir, a tant insisté, dans la mathématisation de la science, on tente à négliger les qualités sensibles, le chaud et le froid, dans leur opposition primitive pour notre corps. Et pourtant, aujourd'hui, de plus d'une manière, et même à l'échelle physique et peut-être même à l'échelle cosmique, nous retrouvons l'échelle qualitative du chaud et du froid. Bien sûr, ce sont d'abord des expériences sensibles, mais c'est-à-dire aussi des expériences objectives. Pourquoi réduire le sensible à du subjectif considéré comme une illusion ou comme une naïveté? L'expérience du chaud et du froid, ce sont les expériences vitales, biologiques, de la norme de notre corps. Ce sont les expériences qui font que, certes, bon, on a un peu plus chaud ou un peu plus froid, mais que parfois on a vraiment trop chaud ou on a vraiment trop froid et que finalement ces sensations deviennent le signal, le symptôme de quelque chose comme une pathologie ou une maladie. Quand on a trop chaud, on dit qu'on a de la fièvre. Certains excès peuvent nous conduire à en mourir. Quand on a trop froid, on dit qu'on grelotte et on se sent à l'approche de la mort. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que ces excès normatifs, ces pathologies possibles de la chaleur et du froid s'étendent à l'univers tout entier, en tout cas à notre planète. La planète a trop chaud, ou bien elle peut aussi, dans certains endroits, avoir trop froid. Il y a des excès de température, non seulement dans nos corps individuels, mais dans la totalité de la planète. Peut-être même, qui le sait, dans l'univers tout entier. Peut-être que l'énergie que l'on calcule, que la quantité de particules en tourbillon qui dégage de la chaleur, est à l'échelle cosmique le signe d'une énergie énergie en mouvement et que ça retombait dans le froid glacial des silences infinis dont parlait déjà Blaise Pascal. Ce froid glacial n'est que la retombée d'une chaleur en mouvement, d'une énergie, d'un travail qui ne sont pas si méprisables pour la science elle-même. Merci Frédéric Worms et merci Katia Genel et Hélène Frappa. Vous nous avez accompagnés aujourd'hui pour parler de la personnalité autoritaire d'Adorno. Les références de vos travaux sont sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique Sofiane Aktib. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe Carla Michel, Marine Boudelier, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.